إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة 91 قيام مجتمعهم على البغي. Donc maintenant là c'est la 91e mas'ala qui est que leur société est bâtie sur l'injustice. Sur l'injustice. فقال في المتن أن أجل فضائلهم البغي. وقد ذكر الله فيه ما ذكر. طيب que des choses qui se vantent le plus, c'est leur injustice envers les autres. Et que Allah, dans son livre, a déjà cité ce qu'il avait à citer à ce sujet. فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح على هذه الفقرة: البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأغراضهم، وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون فيه في أشعارهم ومقالاتهم. Donc le bari, c'est ta'addi ala nas, le fait de s'en prendre aux gens, injustement, dans leur sang, c'est-à-dire leur vie, dans leur bien, dans leur honneur. Et les gens de la jahiliya considéraient cela comme étant une vertu. Et ils s'en vantaient. Dans leur poésie, ainsi que dans leurs écrits et les alika. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه وأمر بالعدل بين الناس وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه. Et l'islam est venu interdire cela. Même il a ordonné la justice entre les gens. Et a légiféré pour celui qui a été offensé, qui a été lésé, ou qui a été, à qui on s'en est pris injustement, qu'il a droit à récupérer son droit. يقتص لنفسه, c'est-à-dire qu'il se venge pour lui-même selon les règles de l'islam, ce qu'ils appellent la loi du talion, masalan, lorsqu'il s'agit du sang. Et cela pourquoi? Afin que le tyran cesse son mal et que celui qui était lésé récupère son droit. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah, dans le sens, il a dit que mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes, ce qui en apparaît, ce qui en est caché, le péché, l'injustice sans droit, et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah, dans le verset, dans ce moment-là, il a lié entre le bari et le fawahish et le shirk. Donc cela fait partie des choses les plus importantes que Allah SWT a interdit aux gens de la jahiliya. Wa qala ta'ala: inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Que Allah a ordonné la justice et la bienfaisance et l'entretien des biens de parenté, il a interdit les turpitudes et le blâmable et l'injustice. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا بلغت. والنبي صلى الله عليه وسلم dans la khutba du Hajj al-Wada, du Hajj d'adieu, il a dit: certes vos sangs ainsi que vos honneurs, ainsi que vos biens, sont sur vous interdits. Autant que ce jour est sacré dans ce pays et en ce mois. C'est-à-dire ce pays, le Mecca, sacré, interdit. Baled, afan, yomukum se yom arafat, est interdit, sacré. Baled, c'est Mecca. Et le char, c'est le char de Zilhidja, qui est parmi Ashur al-Hurum, qui sont parmi les mois sacrés. N'ai-je pas retransmis comme a déjà fait le hadith. Et donc ça, c'était un fait parmi les gens de la Jahiliya, mais qui est présent chez les gens du Kufr jusqu'à ce jour, qu'ils se vantent lorsqu'ils commettent une injustice envers quelqu'un d'autre. Ils voient cela comme étant un mérite et une vertu. Qu'il a l'autre, il a escroqué un tel, que l'autre, il a détourné l'argent de un tel, que l'autre, il a réussi à arnaquer un tel, Relzalika. Et Ja'far, bien du temps, lorsqu'il est parti chez Najashi, il l'a bien dit. Lorsqu'il a parlé de Najashi, il a dit, Kunna kum el jahiliya. Et parmi les choses qu'il a citées, El kouiyu minna kana yakul el da'if. Que le fort d'entre nous mangeait le faible. En décrivant la journée de la jahiliya. Qu'ils étaient sur cela. Donc pour eux, c'était une vertu. Les gens de la jahiliya, que le fort s'en prenne au faible. Le but, c'est, comme on dit, chacun voit son propre intérêt. Quitte à ce que ce soit, à faire du mal aux autres. Et celui qui arrive à faire du mal aux autres, qu'on se fait attraper, c'est celui-là qui est fort, chez les gens. Le grand escroc, le grand arnaqueur, le grand trompeur. Vous voyez, dans tous les domaines que ce soit. C'est lui qui est l'homme de mérite chez eux, chez eux. Donc ça, c'est parmi les sifats de la jahiliya. Donc demain, si des gens de l'islam agissent de la sorte, font du mal aux autres et ne se font pas attraper, ils s'en vantent par la suite, en disant, en se croyant qu'il était habile, qu'il était intelligent, qu'il sache que cela est parmi les sifats de la jahiliya, que Allah SWT a interdit cela. Maintenant, comme on l'a expliqué, dans la mas'ala du makr, du complot, si jamais c'est pour obtenir un droit, c'est-à-dire tu as fait une chose secrètement, tu as fait parvenir la chose makrour à celui qui la mérite, secrètement, là c'est autre chose, là c'est Mahmoud, on l'avait expliqué. Mais quand ça ne l'est pas, c'est une chose qui est interdite. طيب فبعد هذا قال في المسألة الثانية وتسعين الفخر بغير الحق أو بحق. Donc dans la mas'ala qui est la 92e, qu'il se vante, que cela soit légitime ou pas. Ce sont des gens qui se vantent. قال إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. Donc également, parmi les choses qui sont parmi le plus grand mérite, c'est-à-dire d'après eux, c'est la vantardise. Et qu'ils se vantent d'une chose réelle ou pas. Que la chose dont ils se vantent soit réelle ou pas. قال في شرح من مسائل الجاهلية الفخر ولو بحق. Donc parmi les masses de Jahiliya, la vantardise, quand bien même celle-ci serait légitime. Quand on dit légitime, c'est-à-dire pour un acte qui a en réalité un acte de mérite. C'est ça qu'il veut dire. Que quelqu'un il a fait quelque chose de bien, cet acte est un acte réel, légitime et méritoire, mais ils s'en vantent. Donc eux, ils se vantent de leurs actes, ceux de leur père, et cela est interdit. Car pourquoi ? قَالَ الْفَخْ بِنِ الْأَعْمَلِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْإِرْجَابِ بِالنَّفْسِ وَالْإِحْتِقَارِ الْآخَرِينَ. Car le fait de se vanter, ça amène à quoi ? Ça amène à l'amour propre. Que tu sois un but de ta personne. Et également, ça amène à mépriser les autres, à te voir meilleur que les autres. Donc cela est interdit, et c'est parmi les actes de la jahiliya. Donc il n'est pas permis aux musulmans de se vanter, quoi qu'il ait fait comme acte. Car quoi qu'il ait fait comme acte, il sera toujours, il y a un nez faible et manquant. Il n'aura jamais rempli le droit complet que Allah SWT attend de lui. Car le droit d'Allah SWT est immense. Ainsi que le droit des parents. Ainsi que le droit des proches. Ainsi que les droits des gens, de façon générale. L'être humain n'est... C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours appris à faire le stirfar tous les jours. Et à nous repentir, même de ce qu'on ne se rend pas compte. Car on ne sait pas ce qu'on a fait. Et des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on n'a pas fait. Et rendre le droit à chacun de façon complète et totale, c'est une chose qui est immense. C'est pour cela qu'il a été dit dans la parole d'Allah où il dit « Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah pleinement comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis. Il a été dit que ce verset par la suite a été abrogé « Biqulillahi azza wa jal wa ittaqullaha mastata'tum » et craignez Allah comme vous le pouvez. Car craindre Allah de toute la piété qu'il mérite, de tous les droits qu'il mérite, c'est une chose qui a beaucoup de machaka pour l'être humain. Donc de là, le verset a été abrogé, selon une version, et que Allah SWT a, alhamdoulilah, allégé cette tâche en disant de le craindre comme nous le pouvons. Car quoi qu'il arrive, il y a des choses que Allah a interdites et l'être humain tombe dedans. Des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées et que l'humain ne fait pas. Quand je dis l'humain, je parle du musulman. Amal kafir, ça c'est bidoun kalem. Il n'y a même pas à débattre. Je parle du musulman. Et qui plus est, je parle du musulman mustaqim. Qui peut être en mesure de dire, moi j'accomplis tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et j'ai vu tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Qui est en mesure de dire cela ce jour? Allah alam. En tout cas, ce n'est pas non plus pour ouvrir le beb qu'on dit ça, pour dire, comme les gens le font, que Allah est Ghafour Rahim. Naam, Allah il pardonne, on n'oublie pas, mais il faut aussi qu'on ait peur de lui. Qu'on soit entre l'espoir et la peur. Donc même si qu'on dit ça, c'est pas pour appeler les gens, comme des gens ils font, qui ne se trompent pas, qui ne fait pas d'erreur, qui ne fait pas de péché. On dit tout ça c'est vrai, naam. Il ne faut pas que cette phrase-là amène à ce que les gens deviennent laxistes. Ça c'est juste au moment où la personne tombe dans l'erreur, pour ne pas qu'elle espère, on rappelle ce genre de paroles. Ou pour que des gens qui aient fait un grand bien et qui aient commis des erreurs parfois, qu'on ne se mette pas non plus à être injuste envers eux et oublier le bien qu'ils ont fait. Tant que l'erreur qu'ils ont commis n'amène pas à une critique ou à un délaissement. Mais de façon générale, tout en dire ce genre de phrase, ça amène à ce que les gens aient du relâchement dans leur religion. Il faut le dire, c'est une phrase qui est vraie, mais il faut la dire au moment propice, au moment qui est approprié. Donc les gens de la Jahiliya se vantaient. Maintenant, parfois, il est venu des affars où certains des salafs ont cité certaines de leurs bonnes actions. Mais là, c'était pour une maslaha. C'était pour un but précis, un moment précis. Alors, des fois, c'est permis que la personne dise, mais j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Mais à un moment où il y a besoin de le citer. Comme ce fut le cas de Othman, radiallahu anhu, lorsque les Khawarij ont voulu le tuer. Il a dit, « La yuhillu dam mar'i muslimin illa bi ihda thalath » Le rappel le hadith. Al-Thayyib, Al-Zani, Wal-Nafs, Bil-Nafs. Donc il a dit quoi? Que le sang du muslim n'est permis qu'en trois situations principales. Il y en a d'autres. Il a dit, celui qui fornique, alors qu'il a déjà été marié comme le mariage. Il dit, même dans la jahiliya, j'ai pas forniqué. Donc sur quoi vous me tuez par rapport à ça? Après il dit, le qatl, Bi-Ghayri al-Haqq. Il a dit, celui qui tue quelqu'un, on le tue. Il dit, qui ai-je tué? De façon innocente, ce n'est sur le jihad. Je n'ai tué personne, injustement. Et celui qui délaisse sa religion et qui se sépare du groupe. Il a été le gouverneur à ce moment-là. Il a un bien grand nombre d'actions à son actif. Il aurait pu en dire plus. Il était marié à deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a équipé des troupes entières. Il a fait des actes énormes. Il n'a pas cité tout cela. C'était des choses principales par rapport auxquelles les Khawarij voulaient le tuer pour leur faire comprendre que ce qu'ils allaient faire, c'était haram. Là, donc, c'était une chose, il y avait besoin de le faire. Maintenant, si quelqu'un vient, t'accuse d'une chose injuste, ou veut te faire un mal, que toi, tu as commis une action qui s'oppose à cela, qui peut être une preuve, un argument pour toi, tu peux la citer. Tu peux la citer à ce moment-là. C'est permis. Et c'est pas iftikhar. Là, c'est bab al-dhikr, pour rappeler à la personne. Pour qu'un mal cesse. Min hadha al-bab. Donc le fait de se vanter parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Et ils se vantent de choses qu'ils ont faites et de choses qu'ils n'ont pas faites. C'est ça qu'il veut dire par bihaq ou biri lihaq. Qala fi al-mas'ala al-thalitha wa 90. Al-ta'asub al-mamqut. Donc qui est la 93e mas'ala. Qui est leur ta'asub, leur mauvais ta'asub. Ta'asub infect, fanatisme. Qala an ta'asub al-insan li ta'ifatihi ala al-haq wal-batil amrun la budda minhu 'indahum. Fa dhakara Allah fihi ma dhakar. Que pour eux, le fait que la personne se fanatise pour son groupe, que ce soit pour la vérité ou pas, c'est une chose qui est obligatoire pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qu'il y avait à dire par rapport à cela. Donc ça, c'est parmi également les masaïl qu'on a pris précédemment, qui n'acceptent le haq que venant d'eux, qui n'aiment pas ceux qui ne sont pas de leur groupe, et Rizadeka. Kullu hadha, c'est lié. Tout est lié. Enfin, quand Zakala Shir, quand elle est ta'asub al-mazmum, wa al-istimrar al-al-batil, ma'al-ilm bi-butlanihi, takabburan wa inadan. Wa nasratan il-shakhs, ou il-qabila, al-haq, ou batil. Wa hadha min umur il-jahiliya. Donc le ta'asub, qui est blâmé là, c'est que la personne perdure sur un mal et qu'il sache que cela est un mal. Par orgueil et par obstination, ou pour secourir une personne ou une tribu ou autre. Et qu'il se secourt soit pour une chose légitime ou pas. Lui ne secourt pas pour recevoir la vérité, il secourt pour la personne, pour elle-même, pour son appartenance. Donc ça c'est parmi les choses de la Jahiliya. Que tu secours une personne, qu'elle ait raison ou tort, non pas pour la religion, pour la vérité, mais pour ton lien avec cette personne-là. Ou pour ton amour pour cette personne-là. Ou pour ta haine envers son opposant. Voilà les alikas. Car des fois, tu t'assobes pour une personne, tu te fanatises pour une personne qui a raison. Donc tu vas citer des choses vraies à ce moment-là. Mais c'est quoi ta niya à toi? C'est pas sauver la vérité, c'est sauver cette personne-là parce que tu l'aimes. C'est-à-dire que même elle aurait eu tort, tu aurais agi de la même façon. Donc Allah Ta'ala, « Wala jirimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu » qu'il a dit que la haine pour un peuple ne vous emmène pas à être, ou du moins à ne pas être équitable dans leurs droits. Et cela, que ce soit avec ton ennemi, ou avec ton proche, avec ton ami, avec quiconque, les gens faut être adl avec eux. Et on l'a cité dans la masala précédente, ou celle d'avant, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le bari. Waqala ta'ala, wazekultum fa'adilu, walaukana za kurba. Que si jamais vous parlez, alors soyez juste. Quand bien même serait-ce pour une, un proche. Donc il dit que tes liens de parenté ne te poussent pas à soutenir ton proche, justement. En toute situation. Que si jamais il est dans l'erreur, alors tu dois rayer son, tu dois changer son erreur et la rectifier. Tu ne dois pas le soutenir en cela. Mais tu dois le conseiller. Comme Allah Ta'ala, وَذِكُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. Ô vous qui avez cru, soyez des témoins équitables pour Allah. Donc il dit le wajib à l'insan, al-adl, ala, ma'a nafsihi, wa ma'a qaribihi, wa ma'a sadiqihi, wa ma'a aduwihi. Que la personne doit être juste, que ce soit envers lui-même, envers son ennemi, envers son proche. Et que ta haine pour un peuple ne te force pas et ne te pousse pas à devenir injuste envers eux. Ou leur faire subir plutôt, à leur faire subir des choses qu'ils ne méritent pas. Du fait que tes actions sont bâties sur tes sentiments et non pas sur la religion. Donc les gens de la Jahiliya, eux, se fanatisent pour leur peuple, même s'ils sont des gens injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous opposer à cela, de le contredire à cela, et d'être juste. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhak zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah, nansuruhu idha kana mazluman, fa kayfa nansuruhu idha kana zaliman? Qala tamna'uhu 'an adh-dhulmi, fa dhalika nasruhu. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, secours ton frère qu'il soit injuste ou lésé. Ils ont dit, oh, messager d'Allah, sauvez, secourir celui qui est lésé, d'accord, mais celui qui est injuste, comment on fait? Il a dit, tu l'empêches de commettre son injustice. Et tel est son secours que tu lui portes. Le secours que tu lui apportes, c'est de l'empêcher de nuire. Donc là, c'est ça la religion, la relation à avoir réelle et légiférée avec les gens. C'est d'être juste, de secourir celui qui est lésé, quand bien même serait ton ennemi et que tu es en mesure de pouvoir lui rendre son droit, que ce droit lui parvienne, tu dois le faire. Qu'il s'agisse même d'un kafir, qu'il s'agisse même d'un mot, c'est-à-dire, que quelque chose soit, si jamais il est lésé, et que tu es en mesure, toi, que son droit lui soit rendu, ou les alikas, c'est une chose qui te revient, tu as une part dedans, tu dois lui rendre son droit. Tu dois lui rendre son droit. Bah, yep. Fumma qu'on est fil mas'alati al rabi'ati wa tis'in. 94e mas'ala. Arz al bari. Le fait de faire porter l'innocent le crime d'autrui. Taïeb, le fait de faire porter à l'innocent le crime d'autrui. قال في المتن أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فانزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. Parmi la religion des gens de la Jahiliya, qu'ils font subir à une personne un crime commis par autre que lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans le sens où il dit, et que aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Aucune personne ne porte le fardeau d'autrui. فقال في شرح من مسائل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. Donc parmi les mafias de la Jahiliya qui font subir à une personne une sentence pour un crime causé par autre que lui. Une chose dont il est innocent, donc Allah subhanahu wa ta'ala descend le verset. فالذي لم يحدث منه الظلم لا يؤاخذ بظلم عيدي. Celui qui n'a pas commis un crime, on n'a pas à le faire subir ce qu'ont fait les autres. Même si t'es un proche. Quand même. Car cela fait partie du bari. C'est de l'injustice. Lakin, yuhammal ala al-mu'tadi. C'est celui qui a commis l'action, qui a commis le crime, c'est lui qui doit endosser. Et qui doit assumer. Il dit justement que dans certaines contrées aujourd'hui, que tu vois par exemple une personne qui commet un crime, qui tue quelqu'un, d'une tribu, les gens pour se venger, au lieu de prendre cette personne-là qui a commis ce crime, ce meurtre, ils vont chercher la personne la plus noble de la tribu, du meurtrier, et c'est lui qui subit, en guise de vengeance. C'est-à-dire, vous avez tué un de nos hommes, donc pour la peine, on va tuer votre chef. فَهَذَا مِنَ الظُّلْمِ. Le sahih, c'est de prendre celui qui a commis le crime, et c'est lui qui subit la sentence. كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Celui qui s'en prend à vous, alors prenez-vous-en à lui, tout comme il s'en est pris à vous. Donc là, c'est une chose qui est importante en religion. من هذه القاعدة العظيمة. Que la jarima, le crime, n'est lié, n'est attribué qu'à celui qui l'a commis. Et on ne la fait pas porter à quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a une masala que le shir évoque, qui porte une choubouette pour des gens. Mahiya fi qatl an-nafs. Donc celui qui a tué un muslim. Celui qui a tué un muslim, involontairement, par erreur, une bavure, comme on dit. On dit que c'est sa tribu et ses proches qui payent le prix du sang. Donc les gens disent comment? C'est lui qui a tué? Taïeb? Et ce sont les autres qui payent. On dit ça? Non. C'est une règle spéciale parce que là, il n'a pas tué volontairement. C'est autre chose. Donc tout comme eux, ils profitent de lui, de son vivant ou de sa mort, là c'est Beb Ta'aroun al-Bir et Otaqwa. Dans l'entraide, dans le bien et la piété. Pourquoi? Car que cet homme-là, si demain il venait à mourir, ce sont eux qui héritent de lui. Également. Ils héritent de lui. Tout comme, s'il venait Massalen à mourir sans avoir jeûné, ce sont ses Aouliya qui jeûnent pour lui. Si demain il venait à mourir et qu'il n'ait pas accompli le Hajj, qui n'a pas pu le faire, ou quoi, ce sont ces awliya qui le font pour lui. Allez, Zadika. Donc là, c'est Hazabin Hadalbeb. Par contre, celui qui tue volontairement un muslim, alors là, c'est lui qui paye le prix du sang. Si on ne pardonne pas, il est exécuté. Et si jamais la famille de, ou les proches du tué le pardonnent, il paye le prix du sang. Et si jamais il lui pardonne le prix du sang, du moins s'il ne peut pas payer le prix du sang ou quoi, alors c'est lui qui jeûne 2 mois d'affilée. Donc ça c'est une différence. Et c'est parmi les choses de la religion. 95e mas'ala. Ta'bir al-rajul bi-naqs fi ghayrihi. C'est-à-dire que là il critique une personne pour ce qu'il voit comme étant un manque chez un proche à lui. Comment cela? Alan sayubayyin dhalik. Ta'bir al-rajul bima fi ghayrihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. Donc c'est-à-dire que là maintenant quelqu'un va critiquer une personne pour ce qu'il y a chez autre que lui. Ça ressemble un peu à la masala précédente, mais elle est différente. Comment cela? Là il cite le hadith de Abi Dhar qui critiquait le sahabi qui est Bilal radiallahu anhu, en le disant quoi? Il l'a critiqué du fait que sa mère était noire. Il n'a pas critiqué Bilal en soi directement, mais il l'a critiqué pour sa mère, pour la noisseur de sa mère. Donc ça, c'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu es un homme qui est en toi de la jahiliya. Donc cet acte est parmi les actes des gens de la jahiliya.

pour ce qui est chez les autres. Que ce soit une chose qui soit réellement un défaut, qui ne l'est pas. Ils vont critiquer une personne pour ce qui est chez les autres. Naam. Tayyib. Fa naktafi bi hadha al-qadr, naqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.